Alors, maintenant, je voudrais revenir un peu sur le conditionnel. Vous savez, ce qu'on utilise par exemple pour dire ce qu'on aimerait faire, hein, pour donner des conseils. Alors, le conditionnel est facile à repérer. Il y a une terminaison de base qui est... Rien. C'est ça, rien. Hein? R-I-A, avec un accent aigu sur le I. Rien. Rien, c'est la terminaison de base du conditionnel. Et au conditionnel, c'est la même chose qu'au futur. C'est sur la terminaison qu'il faut insister à l'oral. Et le verbe gogo se comporte exactement comme au futur. Donc, par exemple, si au futur on avait pour le verbe salir, saldré, saldremos, saldrá, etc. De la même manière, je sortirai au conditionnel donnera. Saldria. Saldria. C'est la même chose qu'au futur. On accentue la terminaison et pour les verbes gogo, on ajoute un d juste avant la terminaison, ce qui fait disparaître la voyelle de l'infinitif. Donc, ça donne au conditionnel ria. Saldria. Alors, nous sortirions. Ça sera Saldríamos. saldríamos. Donc, on retrouve toujours la terminaison de base ria. Ria qui est la terminaison du conditionnel pour je, mais aussi pour il, elle et usted. Et à partir de là, on a rian pour il ou elle au pluriel et ustedes, rias pour tu et riamos pour nous. Alors, comment direz-vous il le ferait? Aceria. Vous êtes sûr? Lo aceria. Si vous dites lo haceria, certes, on vous comprendra, mais voyons. Comment dit-on il le fera? C'est un de deux verbes qui vont toujours de pair. Lo hará. Oui, alors encore une fois, il le ferait. A lo aria. Lo haría. Hein? C'est ça, lo haría. Alors, il ne le ferait pas. No lo haría. No lo haría. Hein? Et il ou elle au pluriel ne le ferait pas. No lo harían. No lo harían. Nous ne le ferions pas. No lo haríamos. D'accord, encore une fois. No lo haríamos. No lo haríamos. On retrouve la terminaison de base ria, à partir de laquelle on obtient la terminaison riamos. Pour nous, donc, haríamos. Comment direz-vous, pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas? ¿Por qué no haríamos? Nous ne le ferions pas. No lo haríamos. Oui. ¿Por qué no lo haríamos? Hein? C'est ça. ¿Por qué no lo haríamos? Comment dit-on attendre? Attendre, hein, c'est le même verbe que pour dire espérer. Esperar. Tout à fait. Hein? Esperar. Alors, il n'attendra pas. Espera. No espera. Esperera. Quel est le verbe? Le verbe attendre. Esperar. D'accord. Esperar. Alors, il attendra. Esperar. Esperará. Esperará. Hein? Esperará. Ça, c'est il attendra. Et donc, il n'attendra pas. No esperará. No esperará. Oui. Et il n'attendrait pas. No esperará. Ça, c'est il n'attendra pas. Ah, no esperaría. No esperaría. Hein? D'accord. Alors, prenons un autre verbe. Par exemple, préparer, qui se dit Preparar. préparar. Hein? Alors, je le préparerai au futur. Ça sera lo Prepararé. préparare. Bien sûr. Si vous ne voulez pas vous embêter à le dire au futur, vous pouvez dire à la place, voy a prepararlo. Hein? Voy a prepararlo. C'est très courant. Mais même si vous n'employez pas le futur, il est quand même important de le comprendre. Comment dit-on « il ne le préparerait pas » ?« No lo prepararía ».« No lo prepararía », hein ». C'est ça, « no lo prepararía ».